Bonsoir. Bienvenue à cette conférence ayant pour titre « Le voyage astral est-il pour vous? » L'enregistrement audio de la conférence sera disponible à la pause. Avant de savoir si le voyage astral est pour nous, qu'est-ce que le voyage astral? Quelque chose qui est pour certaines personnes mais qui n'est pas pour d'autres. Qui voyage dans le voyage astral? Les voyageurs. Voyageurs, le corps physique, l'âme, l'esprit, l'ego. L'âme et l'ego. L'esprit, ça ne voyage pas dans l'astral, ça se paye un autre luxe. Le corps physique, il voyage dans la matière. Il voyage dans le temps. Le corps astral voyage dans l'astral, évidemment. L'ego voyage dans l'astral, l'âme voyage dans l'astral. Ça voyage dans l'instantané, ça voyage dans l'astral, dans de la mémoire. Ça voyage dans le passé, dans le présent. Est-ce que ça peut voyager dans le futur? Non, ça voyage dans l'instantané, donc ça voyage dans l'instantané. Instantané et moins? Ça peut voyager dans le passé ou pas? Non. Parce que le passé est instantanément présent dans l'astral. Donc, ce n'est pas du passé. Pour l'astral? Quand tu regardes un vieux film, tu ne regardes pas, tu ne vis pas dans le passé. Tu regardes actuellement un vieux film. Est-ce qu'en voyage astral, on peut regarder un vieux film? Ah ben absolument. OK. Mais tu ne voyages pas dans le passé. OK, tu voyages dans le présent, mais tu peux voir des choses du passé. Des choses qu'on suppose faire partie du passé. C'est ça qui est le problème du voyage astral, c'est que c'est un des grands pièges, un des grands leurres pour la majorité des voyageurs de l'astral, parce que ces individus n'ont pas suffisamment de conscience évolutive, n'ont pas suffisamment de conscience évoluée pour être capables de discerner le vrai du faux. Parce que c'est dans l'astral, parce que c'est dans un monde qu'ils ne connaissent pas, parce que c'est dans du neuf pour eux, tout ce qui est là-dedans est vrai, selon eux. C'est beau et plaisant. Quand c'est diabolique, ils en ont peur. Quand c'est spirituel, divin, alors ils tombent en amour. Alors que l'astral au complet fait partie de la mémoire de l'involution de l'humanité. L'astral, ce n'est pas quelque chose qui permet à un humain d'évoluer. Du moins, ce n'est pas évolutif. Comment on fait pour faire un voyage astral? On se ferme les yeux. Est-ce que c'est volontaire ou c'est accidentel, un voyage astral? Ben, c'est ça. Les deux? Eh oui. Comment on fait pour faire un voyage astral volontairement? Bon, comment on fait faire un voyage astral volontairement? Je peux te donner une recette. Tu veux que je t'explique comment on part ou tu veux que je t'explique comment on revient? Les deux. Le départ, l'envolée, le retour. C'est extrêmement facile de faire un voyage astral. La problématique, c'est de le faire conscient. Il y a beaucoup d'humains qui le font volontairement, mais ils ne le font pas conscient. Si moi, je pose la question, comment faire un volontairement? Bon. Alors, il faut simplement que tu fermes les yeux, tu te couches pour dormir et que tu t'endormes. Et voilà. Tu viens de faire un voyage astral volontairement. Tu peux aussi fermer les yeux et imaginer n'importe quoi. Tu viens de faire un voyage astral volontairement. La différence entre un voyage astral volontaire non conscient et un voyage astral volontaire conscient, c'est quoi? Ben, c'est qu'on est conscient, là. À part de ça, comment tu fais un voyage astral conscient? Un voyage astral conscient, il faut que l'être humain soit programmé suffisamment son ego ou un ego qui ne soit pas trop inhibé pour l'autoriser à faire ce genre de voyage. Premièrement, c'est une extra-conscientisation astrale, c'est-à-dire que la conscience astrale de l'homme, de la femme ou de l'enfant sort du corps physique, c'est-à-dire que la conscience se place ailleurs dans l'espace-temps. En réalité, il n'y a pas de corps astral tel qu'on veut en créer un. Ce n'est pas nécessaire pour faire un voyage astral d'avoir un corps astral. On a une forme astrale qui représente grosso modo la structure biologique, donc le corps physique, mais ce n'est pas une sortie totale de ce corps qui va dans l'astral. La conscience de l'homme n'est pas limitée dans un corps astral, elle appartient aussi à son corps biologique. Quand un être humain consciemment travaille dans sa tête, le corps physique s'épuise. Il sent son cerveau travailler. S'il se touche le fond, la température de la tête augmente. Donc, une grande partie de sa conscience est dans le système neuronique. Une grande partie de sa conscience émotive va être dans le système endocrinien. Alors, une personne qui fait un voyage astral, ce n'est pas une personne qui, dans la totalité de sa conscience, se ramasse dans l'astral. Comment on fait? C'est facile. On se ferme les yeux. On s'étend. C'est préférable. On s'arrange pour ne pas dormir. C'est mieux. Pourquoi? Parce que le sommeil, c'est le voyage astral inconscient. Lorsque l'humain fait un cauchemar ou lorsque l'humain fait un rêve qu'il commence à conscientiser, le corps physique bouge. Alors, l'humain ne dort pas tout à fait. Et bien souvent, vu que l'humain n'est pas suffisamment réveillé, lorsqu'il s'éveille, il ne s'en rappelle pas. Ou bien il s'en rappelle, mais deux heures après, il ne s'en rappelle plus du tout. Pourtant, c'est l'âme qui fait le voyage astral. Oui. C'est l'âme qui contient la mémoire. Oui. Puis là, l'âme ne se rappelle pas. L'ego ne se rappelle jamais de ce qu'il est. Si le voyage est le moindrement un peu conscientisé, ce qui va arriver, c'est que la majorité de la mémoire du voyage va s'accoler à l'ego. Et l'ego, l'ego c'est un œil, ça voit, mais ça ne se voit pas. Alors si le rêve, le voyage astral n'est pas trop intense, il y a des chances que dans les mémoires volatiles de l'âme, c'est-à-dire que dans l'expérience mémorielle de l'âme qui ne constitue pas l'identification, le jeu, l'ego, il y a des possibilités que ça laisse des traces. Alors là, l'ego sera peut-être capable de retrouver ses traces et de dire, tiens, j'ai rêvé à ça, ça, ça, ça. Mais à travers toute l'expérience, exactement comme quand un individu tourne la tête, bien, il a tout vu. Mais se rappeler de tout, non, il ne sait pas où c'est rentré. S'il l'expérimente intensément, ça va faire partie de lui. Alors, il aura besoin de s'exprimer, de l'exprimer pour le revenir. C'est pourquoi peut-être qu'il le découvrira en le parlant. Quand il va commencer à raconter son rêve, au fur et à mesure qu'il va le parler, il va s'en rappeler. Mais s'il essaie dans sa tête de s'en rappeler comme ça, des fortes chances, il ne s'en rappelle pas. Sauf, évidemment, s'il s'est placé dans une partie des mémoires expérientielles, des mémoires volatiles de l'âme, où l'ego se trouve à fouiller. Là, il va se rappeler de son rêve. Souvent, un mot va faire en sorte que tu te rappelles de ton rêve. Quelqu'un va dire quelque chose et hop, le rêve revient. Parce que ce mot te canalise quelque part, puis là, tu découvres une trace de ton rêve. Faire un voyage astral conscient, on verra après ça si c'est utile, si c'est dangereux. Et c'est pour les gens qui se conscientisent. Mais l'individu doit se coucher. Hein? Il y a plusieurs techniques, là, je ne les énumérerai pas tous. À un moment donné, peut-être qu'on pourra écrire là-dessus ou quelque chose, là, mais l'individu doit s'arranger pour se diriger progressivement vers un sommeil qui est corporel où sa conscience ne dort pas. Autrement dit, l'individu doit travailler une relaxation particulière du corps physique. Que ça, il y a différentes techniques qui sont utilisables. L'individu doit donc relaxer totalement son corps physique jusqu'à un moment donné où il va centrer toute sa conscience dans sa tête. Un exemple, il peut la centrer dans son centre coronaire, il peut la centrer dans un pied, dans son nombril, c'est comme il voudra. Bon, alors, il centre ça dans sa tête. Alors, il ne devient qu'une tête. Ne devenant qu'une tête, le corps physique est en train de s'endormir. Pourquoi? Parce qu'il n'exprime presque plus rien dans le reste du corps, donc il ne le stimule pas trop. Mais comment un corps physique, ça peut dormir? Le cœur, on a vu dans une conférence précédente que oui. Le cœur n'arrête pas de battre. Non. Par contre, quand je dis que le corps s'endort, c'est que si on fait une vérification médicale du corps physique, on se rend compte que sa température baisse, que le rythme cardiaque ralentit, que la respiration diminue. Alors, on va dire le corps dort. On pourrait atteindre ça dans une méditation profonde. Bien, exactement. C'est ce que je dis. Une relaxation, la méditation, c'est la même chose. La méditation, c'est d'ailleurs un voyage astral, mais qui est tellement archétypé, qui est tellement limité, paramétré, que tu t'en vas uniquement dans un mantra ou tu t'en vas uniquement dans une visualisation particulière. Alors, dit que là, on va faire un voyage astral, on parle d'un voyage astral, on ne va pas juste faire une sortie astrale. L'individu, lorsqu'il est totalement dans sa tête, tout ce qu'il a à faire, c'est qu'il peut travailler comme certaines écoles vont l'enseigner, c'est qu'il essaie de sortir de son corps physique, mais c'est extrêmement pénible et compliqué. La meilleure chose, c'est qu'il visualise l'extérieur, qu'il visualise sa chambre. Alors, dans sa tête, il est uniquement une tête, et puis là, il commence à voir sa chambre. Et il aura de la difficulté à voir les murs, à voir certaines choses. Ça dépend de la capacité qu'a un individu à fouiller dans certaines mémoires. Certains diront à imaginer. Mais tu imagines la réalité, donc tu fouilles dans de la mémoire. Mais avec la pratique, on y parvient. Et lentement, l'individu finit par voir suffisamment les choses et qu'il doit maintenant essayer d'imaginer un autre point de vue, donc comme s'il tournait dans son point de vue. Cela veut dire que tu ne vois pas uniquement la pièce, et tu commences à essayer de voir comme si la pièce tournait. Donc, c'est comme si tu te tournais dans la pièce. Ça reste de l'imagination. L'astral, ça fait partie de l'imaginaire. Ça existe. Toutes les inventions humaines viennent de l'astral, viennent de l'imaginaire. Tu sais, j'ai pensé, j'ai imaginé ceci. Ça vient de là. C'est existentiel. Mais pour l'humain, ce n'est pas matériel. Alors, pour certains, il n'y a que la matière qui est existentielle. Alors que la matière, si on la retrouve au point de vue subatomique, elle n'existe même pas. Donc, il faut pratiquer dans une pièce qu'on connaît. Mais même si physiquement on est ailleurs, on peut se. Si tu es dans un hôtel à Chicago, tu peux te rappeler de ta chambre à la maison pour faire la même chose. Absolument. OK. Quand tu es à Chicago ou ailleurs et que tu te rappelles de ta maison qui est à Montréal, il y a un danger. C'est que si tu as un double éthérique en constitution, il y a un danger. C'est pas un danger, mais il peut arriver que le double éthérique soit atterri dans la région où tu veux aller. et que ce soit ton double qui voit. Et là, les individus présents peuvent aussi voir le double. Chez donc, vous? Ils auront comme rapidement l'impression qu'ils t'ont vu. Ça peut donner cela. Ce n'est pas... Mais c'est pas un danger. Non, ce que je dis, c'est pas un danger. C'est un danger, oui. À moins que chez pour vous, les autres, cardiaque. Ben, c'est ça que je veux dire, là. Ça, c'est un danger pour les autres. OK. Bon. Donc, on revient au voyage astral. On ne parle donc pas du voyage par le double éthérique. L'astral lui-même, l'individu, visualise sa pièce. Et lentement, il doit s'arranger pour s'élever. C'est-à-dire qu'il doit imaginer qu'il s'éloigne. Il peut se voir. Il y en a plusieurs qui vont se voir dans le lit, mais c'est même pas important. Pourquoi? Parce que, dans le début, notre vision astrale est extrêmement floue. Pourquoi? Parce que notre conscience astrale n'est pas tout à fait extra-corporifiée. Elle n'est pas encore sortie. Vu que la vision est floue, tu regardes ton corps physique dans le lit, tu dis, crime, je ne suis pas couché de même. Tu reviens immédiatement. Tu es toujours en train d'hésiter, de douter. Alors, tu t'en balances, tu sors dehors et tu t'en vas au-dessus de ta maison, puis là, tu essaies de voir la ville. Mais tout ce temps-là, tu t'imagines être une tête. Tout ce temps-là, ce qui va arriver, c'est que de temps en temps, tu vas être dans ta tête, de temps en temps, tu ne seras pas dans ta tête, de temps en temps, tu vas être dans ta tête, pas dedans, dedans, pas dedans, dedans, pas dedans, jusqu'à temps que finalement, tu ne sois pas dedans, puis pas dedans, puis ça ne reste pas dedans. Et là, une grande partie de ce que tu vas voir va faire partie du domaine de la réalité, et une partie va faire partie du domaine de ce que l'humain a coloré dans la réalité. C'est ça qui est le problème de l'astral, c'est que si tu viens voir le vert dans l'astral, tu peux voir le vert, et puis moi, je viens de visualiser le vert comme étant carré. Alors, le voyageur de l'astral vient et il voit mon verre et le verre est carré. Pourquoi? Parce que lui ne voit pas la réalité. Dans l'astral, on ne voit jamais la réalité. On voit la mémoire immédiate de la réalité. Ce n'est que de la mémoire. De la mémoire quasiment instantanée, mais ça reste de la mémoire. On prend une photo pour la voir. On prend une photo pour la voir, mais c'est de la photo qu'on voit. Enfin, la problématique, c'est que quand j'invente une photo dans l'astral, d'un verre carré, et qu'à travers les instruments qu'il y a sur la table ici, je te mets cette photo-là, tu vois un verre carré. Alors, tu te réveilles, tu es par exemple l'autre côté, aux toilettes, et puis tu te pointes ici pour venir voir si ton voyage astral était réel. Et là, tu regardes, oui, la nappe était comme ça, il y avait ça, il y avait ça. Ah, tiens, le verre était carré. Ah, ben toi, ça marche pas. Ça veut dire que. C'est le médiocrisme. Si tu fais un voyage astral et puis qu'il y a une personne qui est en train de regarder un film, ce que tu vas voir, c'est son interprétation du film. Ça peut être le film, ça peut être l'interprétation de n'importe quel des spectateurs qui a déjà regardé le film. Puis ça pourrait être un mélange aussi. Ça peut être un mélange de tout ça au complet. Et c'est pourquoi dans l'astral, ça crée une problématique. C'est que l'individu qui va dans l'astral pour connaître le numéro gagnant de la loterie, il va le connaître. Est-ce que c'est celui de 20 ans, de 10 ans, de ça, c'est autre chose. Mais il va connaître le numéro gagnant de la loterie. Est-ce qu'il pourrait aussi... si une personne a un numéro puis qu'il souhaite fortement que ce numéro-là soit le numéro gagnant, le voyageur astral pourrait capter ce numéro-là? Oui. Est-ce qu'on fouille dans les pensées profondes des gens? On fouille dans tout ce qui est mémoriel. Donc, une pensée devient mémoire, un événement devient mémoire, la matière est mémorielle, on fouille dans la mémoire. Comme je le dis, la problématique, c'est que tu as vu le verre, moi je le vois sous mon angle, le public le voit sur un autre angle. Dans l'air, si ta conscience astrale se place ici, elle voit donc le verre sur un autre angle, alors ce verre est maintenant mémorisé dans tous ses azimuts. L'individu qui fait un voyage astral devra s'arranger pour reformer certaines choses. Exactement comme notre œil. Notre œil ne voit pas une image très parfaite. On a une image extrêmement débile de l'extérieur, parce qu'on a un paquet de cellules qui vont capter, et le cerveau doit reconstituer quelque chose qui va rendre plus homogène, plus somptueux la vision. Mais ça, on est habitué. L'individu qui fait un voyage astral, le cerveau aussi travaille. Parce qu'il est dans sa conscience, le corps physique ne dort pas. C'est-à-dire qu'il semble dormir, mais le cerveau continue à travailler. Un électrocéphalogramme va donner la même correspondance que si l'individu est en train de rêver rapidement. Mais c'est ce que l'individu fait. Mais l'individu rêve dans la mémoire de la réalité. Donc, on peut dire qu'il rêve dans la réalité. Écoutez, il faut que tu corriges la vision sans corriger l'œil, parce que là, t'as pas d'œil physique, c'est seulement mental. Là. On parle de perception. Étant donné que tu perçois tous les faces du verre en même temps, il faut que tu t'enlignes pour adopter une seule présence spatio-temporelle, donc une région de l'astral, d'où tu vas observer. Et là, tu vas voir une chose. La problématique de l'humain, quand je te dis il est dans sa tête, dehors, dedans, c'est qu'il voit le verre comme ça. En même temps, il le voit d'en haut, puis en même temps, il voit en dessous de la table, puis en même temps, il voit là-bas, puis là, il a de la difficulté. Puis là, il revient dans son corps. Mais c'est simplement parce que présentement, il est extrêmement disparate dans l'astral. L'individu qui pratique ça de temps en temps, sans passer par la sortie du corps astral, du corps physique, qui fait partie des vieilles traditions initiatiques, qui fait que la majorité ne font pas de voyage astral. L'individu qui pratique de temps en temps va se retrouver dans l'astral. Mais évidemment, il y a des façons plus onctueuses d'y aller, des façons plus intéressantes d'y aller. La question est de savoir si c'est utile ou utilisable. Mais un individu peut faire un voyage astral. Pour revenir, l'individu doit soit se faire réveiller, soit qu'à un moment donné, il doit décider qu'il revient. Et comment il fait pour revenir? Eh bien, il doit retrouver sa maison. Comment il fait? Il n'a qu'à visualiser sa maison. Automatiquement, il est rendu là. Et par la suite, il doit s'arranger pour s'efforcer de sentir le corps physique, plutôt que de travailler encore pour rentrer dedans. Et en essayant de sentir le corps physique, eh bien, il travaille un peu. On pourrait dire qu'il menfise un peu le corps physique et progressivement, il va se réveiller. Tu dis qu'il doit revisualiser sa maison pour revenir. Est-ce que c'est le même phénomène pour s'en éloigner? Si tu veux aller à Paris, tu visualises la Tour Eiffel? C'est la meilleure chose. De la même façon? Même chose. Si tu veux aller dans des endroits que tu n'as pas connus avant de faire un voyage astral, comment fais-tu pour visualiser quelque chose que tu ne connais pas? Normalement, si tu veux aller dans un endroit que tu ne connais pas, il n'y a que le cauchemar qui peut t'y amener. C'est-à-dire que l'individu ne peut pas consciemment aller là où il ne connaît pas. Bon. Par contre, s'il a la faculté, je vais juste définir le monde astral un peu mieux avant, on va comprendre certaines choses. Le monde astral, c'est quelque chose qui a trois dimensions minimum, c'est-à-dire que ça a une largeur, une hauteur et une profondeur. Mais on est souvent habitué à ne parler que de deux dimensions, la largeur et la hauteur. Donc, il y a une largeur, c'est-à-dire qu'il y a une expérience suffisamment grandiose à l'échelle de la planète du mal. Un peu plus haut, il y a le moins mal. Il y a les crises, il y a les chicanes, les colères, il y a les jalousies, il y a les disputes bénignes, il y a la morale, il y a la morale la plus évoluée, il y a la morale religieuse, il y a la religion, il y a la spiritualité, il y a la haute spiritualité. Alors, on a donc un palier où dans la colère, tu peux aller visiter différents personnages ou différents états de colère. Et on a évidemment toutes les strates d'évolution où il n'y a pas de ligne qui démarque. C'est comme un coucher de soleil où le rouge finit puis où le rouge commence. Des fois, c'est très dégradé, ça ne paraît pas. Alors, on décide que là, c'est rouge, que là, ça ne l'est pas, mais où ça commence, où ça arrête, c'est une chose. Maintenant, l'individu, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de visualiser quelque chose et puis il visualise, bon, un paradis. Alors, il est quelque part ici. Mais il est 99% de sa conscience est dans son corps physique. 1% est là. Alors, il est en train d'imaginer. S'il place 5% de sa conscience dans le rêve, dans son imagination, là, il commence à jouer dans la profondeur du monde astral. S'il rentre à 5%, il imagine, mais là, il est concentré. Si on fait des bruits bénins à côté de lui, ça, le cerveau ne les enregistre pas. Il les enregistre, mais ça ne va pas toucher l'astral, donc ça ne perturbe rien. Il est dans la lune. Il est concentré. S'il va à 10, 20 ou 30% à l'intérieur de ça, le corps physique commence immédiatement à ralentir. C'est-à-dire que là, il tombe en état de sommeil ou de méditation ou d'hypnose. Et là, le corps physique commence à ralentir parce qu'il n'y a plus suffisamment d'ego pour nécessiter une alerte générale du corps physique. Si à ce niveau-là, l'individu, lorsqu'il va observer des choses, il va commencer à psychologiquement en reconnaître la saveur. Il aura peur ou ça va lui plaire. Il va commencer à bénéficier, à se nourrir de la chose. S'il va chercher 50% en profondeur, il a donc 50% dans le corps physique, l'individu est présentement dans un voyage astral que l'on peut considérer comme conscient. Mais c'est 50% de la conscience. 50% de la conscience d'un individu présentement dans le monde astral. Est-ce que c'est 100% de l'ego? Non. C'est quel pourcentage de l'ego? 50% de l'ego. Est-ce que les deux se déplacent de la même façon? Habituellement. 25-25? Pas toujours, mais habituellement. Il y a des exceptions là, sur lesquelles on va sauter, mais habituellement. Ça veut dire que tout le temps que tu es en voyage astral, disons qu'on est à 50-50, tu as 50% de la conscience, 50% de l'ego, alors dans le corps physique, il en reste aussi la moitié. Habituellement. Est-ce que ces deux entités-là peuvent aussi faire des voyages astrales? Un autre voyage astral? Ah oui. Bon, je vais juste finir avec cela. Normalement, l'individu qui dépasse les 50% rentre dans une sphère astrale où il y a des dangers. Tandis qu'avant, il n'y a pas de danger. Bon. Alors, je réponds maintenant à la question. Est-ce que lorsqu'une partie s'en va faire un voyage astral, est-ce que les autres parties peuvent faire des voyages astrales? Est-ce que c'est possible de faire des pluri-voyages astrales? Eh bien oui. Et c'est intéressant parce qu'un être humain peut rêver à 3, 4, 5, 6, 7, 20 rêves en même temps. Je parle du même temps chronométré. Et il est donc dans 20 domaines spatiaux astrales différents. L'individu qui fait cela est un individu qui va normalement ne pas se rappeler de ses rêves. Il aura un mélange radical de tous ses rêves au complet. Et dépendant de la profondeur, il place sa conscience ici un tout petit peu. Et là, il conduit une automobile et ça va bien. À un moment donné, il saute sur un pont. Et puis, ça ne l'intéresse plus. Il déplace sa conscience. Puis là, il est à cheval. Puis il court comme un bon. Puis là, il déplace sa conscience. Puis là, il se retourne. Puis il regarde sa mère dans la cuisine. Bon. Alors ça, c'est des rêves qui sont conventionnels. Les parties de l'ego qui sont quand même plurielles, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs parties qui constituent un ego, peuvent, et souvent, décollent un peu chacun dans leur monde, aller chercher des informations. C'est désordonné, puis ça te donne une information qui est semblable. Ça donne un rêve que, comme on dit souvent, tu sais, les rêves, c'est fou, hein, je comprends. Bon, ben, c'est ça, voilà, c'est un rêve fou ou folle, ça dépend évidemment des personnes qui rêvent. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a, dans les voyages astrales, juste pour qu'on finisse un peu le phénomène astral avant d'aborder l'évolution qu'on peut faire, comment on peut se servir du monde astral, il y a autre chose. Il y a des individus qui, à un moment donné, disent avoir fait un voyage astral, une méditation, avoir rêvé, à une autre planète, une planète de cristal, par exemple, ou une planète comme tu voudras, où il y a des êtres qui vivent là-dessus. Bon, ils disent de temps en temps avoir rêvé à l'avenir. Ils disent avoir rêvé, bon, j'ai fait un voyage astral dans l'Agartha, dans Shambhala. J'ai rencontré des intraterrestres, j'ai rencontré des extraterrestres, etc. Et il y a beaucoup d'individus qui, dans l'astral, repartent par la suite, c'est-à-dire qu'ils peuvent même se rendre sur une montagne particulière, qui énergétiquement va émettre suffisamment de radiation pour omnibuler leur conscience. Et là, ils se rebranchent dans le rêve. Et ils ont donc l'impression de vivre dans la matière des choses qu'ils ne vivent que dans l'astral. Mais étant donné que dans l'astral, il n'y a que de la mémoire de choses vécues, théoriquement dans le contexte planétaire, on est en voie de se dire, s'ils rêvent rencontrer les extraterrestres, c'est qu'il y a déjà des extraterrestres qui sont venus. S'ils rêvent rencontrer les intraterrestres, c'est qu'il y a déjà des intraterrestres qui sont venus. Mais ce que l'humain ne sait pas, est-ce qu'on rêve absolument au niveau de la planète Terre? Voilà. Est-ce que dans un voyage astral, on peut sortir de la gravitation de notre planète pour aller fouiller dans l'astral d'une autre planète? On doit comprendre que la planète habitable, non pas nécessairement par des entités organiques, mais habitable par une matière capable de supporter de l'intelligence, est à plusieurs millions d'années-lumière de la nôtre. Donc, l'individu qui part faire un tour, il doit traverser une grande partie de la galaxie, sinon totalement sortir de la galaxie pour aller fouiller ailleurs. Est-ce que dans l'astral, si le voyage astral, c'est avec notre corps astral, c'est dans une sphère qu'on appelle l'astral, est-ce qu'un poisson peut voyager au-delà de la mer, au-delà de l'eau, sortir dans l'air? Ben, il peut. Il peut faire bloup, plaque, bon. Mais il peut peut-être voir grand-chose. Hein? Il voit une affaire qui se pousse, puis c'est de l'eau qui revient. Bon. Ça prend un poisson volant pour qu'il reste. Oui, puis même là encore, le poisson volant, l'exorcet qui ne vole d'ailleurs pas, mais qui plane, habituellement, il fuit ce qui est en arrière. Ce qu'il voit, lui, c'est il regarde si l'autre n'est pas déjà rendu où ce qu'il va atterrir. Il voit tellement pas qu'il frappe les bateaux. L'humain, c'est un peu la même chose. Est-ce que l'humain peut sortir de la sphère astrale dans un corps astral, c'est-à-dire en faisant un voyage astral, d'une extra-conscientisation astrale? Non. Mais ce que l'humain ne sait pas, c'est que les mondes astraux, il n'y en a pas plein. La planète Terre est une planète qui est extrêmement évoluée, c'est-à-dire qui est passée par les phases de densification majeure et qui présentement est en train de se réchauffer, d'évoluer. Dans la majorité des systèmes de fusion, dans les systèmes d'involution donc, même si les êtres qui sont là, les quantas d'énergie exprimés, nous c'est un être humain, là-bas c'est autre chose, ne sont pas encore refroidis à notre niveau, donc pour nous, ils semblent supérieurs, mais leur vecteur de déplacement, de la direction à laquelle ils vont est vers l'involution, alors que nous, c'est vers l'évolution, on est en avance, mais ça ne paraît pas encore. Ces personnages ne peuvent créer de monde astral, les planètes qu'ils habitent ne sont pas encore astralisées. Ils ont par contre la capacité de faire des transports séraphiques, ce qui amène la majorité des contingents extraterrestres dans notre sphère planétaire. Par transport séraphique, ils arrivent ici. Étant donné que l'être humain n'a pas encore de sphère supramentale suffisamment développée, il n'y a pas de contact séraphique à corps séraphique. Qu'est-ce que c'est qu'un corps séraphique? Un corps séraphique, c'est ce qui reste d'une âme, l'âme étant constituée d'énergie vitale éthérique, planétaire, qui est la correspondance planétaire de l'énergie supramentale, l'énergie séraphique. Un corps séraphique, c'est une âme totalement inégoïsée, Donc, l'ego a donc totalement été expulsé, c'est-à-dire que l'ego a été détruit pour être transformé en double éthérique. Le double éthérique est le corps séraphique par excellence, c'est-à-dire que c'est l'âme pure. Comme ces phénomènes arrivent dans le contexte planétaire et ils ne peuvent entrer en contact, présentement, il y a des formes d'intelligence extraterrestre qui commencent à toucher, par l'intermédiaire de double éthérique, certains individus. Il y a 2 ou 3 individus sur la planète Terre qui ont la possibilité de se relier à des intelligences extraterrestres non colorées. Tous les autres individus se relient à des aberrations extraterrestres, c'est-à-dire qu'ils se relient à un rêve fait dans notre monde de la mort par un extraterrestre. Ces mécaniques extraterrestres ne pouvant rêver chez eux, viennent rêver chez nous. C'est-à-dire que lorsqu'ils pénètrent le contexte planétaire, d'ailleurs il y a d'autres planètes qui sont visitées aussi, lorsqu'ils pénètrent le contexte planétaire, ils vont laisser des traces dans la mémoire astrale, et ces traces-là vont à la longue engendrer une petite égrégore, qui est l'extraterrestre, qui est la soucoupe volante, et lentement, il y a de l'expérience, de l'événement, qui va se créer à même l'astral, comme ça se fait à travers les égrégores planétaires, et on peut considérer que de d'autres mondes, que certains habitants de d'autres mondes viennent rêver chez nous. Nous, en voyage astral, on rencontre ces habitants-là, on ne rencontre pas le corps séraphique, donc ce n'est pas un voyageur par transport séraphique, on rencontre simplement de la mémoire, c'est-à-dire qu'on pénètre dans le rêve d'un extraterrestre, et là, on peut rencontrer l'extraterrestre. Une fois réveillé dans une région particulière de la planète, il y en a quelques-unes au Québec, il y en a un peu partout d'ailleurs sur le contexte planétaire, ça dépend des biologies. Toi, tu vas aller sur le Mont Saint-Hilaire et tu ne verras jamais rien. Un autre va y aller et son corps physique est suffisamment abîmé par l'émetteur de rayonnement tellurique planétaire là, que lui va subitement être en contact avec un rêve. Un rêve qui, pour lui, va devenir réalité, c'est-à-dire que s'il veut toucher l'intra ou l'extraterrestre, il ne pourra pas y toucher. Par contre, il le voit réellement. Et si l'extraterrestre se promène et passe à côté d'un arbre, peut-être que même l'arbre va se pousser et revenir. Mais ça, c'est la mémoire d'un arbre qui se pousse avec le vent. Et alors, il est dans un rêve. En même temps, il est présent sur le territoire. Ça veut dire qu'il peut marcher avec son corps physique et suivre le rêve. Donc, pour lui, il dit qu'il y a une juxtaposition des deux mécaniques. Une vision réelle et une vision... C'est comme si on prend 2 caméras de télévision et qu'on juxtapose les images. On appelle ça un fondu. Et là, c'est un fondu. Dans ce fondu psychologique, l'individu est donc totalement convaincu qu'il rencontre ses êtres, même si c'est une rencontre du troisième type, sans phénomène du premier ou du deuxième type, c'est-à-dire qu'il n'y a pas apparition nécessairement d'objets volants, il n'y a pas de traces laissées au sol, rencontre du deuxième type, mais il y a contact, rencontre du troisième type. Puis comme je dis de temps en temps, il y en a qui peuvent faire une rencontre du 45e type. C'est jouer aux échecs avec un extraterrestre. Mais là, à ce moment-là, l'individu qui les a rencontrés, c'est par accident. C'est pas conscient, c'est un voyage astral inconscient, ou involontaire du moins. Oui, c'est pas par accident. Les mécaniques extraterrestres qui tendent à communiquer avec l'humain, et des mécaniques qui sont plus basses. Étant plus basses, ils sont, disons, plus pressés mécaniquement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont descendre trop bas, ils ne pourront plus contacter l'humain. Alors, ces mécaniques essaient de contacter l'humain, de voler la génétique de l'humain, de féconder certaines femmes, etc. Bon. Ces mécaniques extraterrestres vont aussi créer des rêves dans l'astral pour ramasser des individus et les manipuler au plus vite pour que ceux-ci puissent par la suite être des véhicules récepteurs d'une mécanique extraterrestre. Où il y a un gros danger de rêver le contact avec l'extraterrestre et il y a aussi une problématique dans le fait que les extraterrestres viennent rêver chez nous, c'est que toute forme de réincarnation provient du monde de la mort. L'humain réincarne 24 heures sur 24 des mémoires du monde de la mort. Une grande partie de ce qu'il constitue dès la naissance va provenir du système endocrinien de sa mère, donc d'une réincarnation de sa mère. Une partie par sa physiologie, une réincarnation de son père. Et le reste, réincarnation tant qu'il est jeune de mémoire d'enfant, adolescent de mémoire d'adolescent et d'adulte, d'où la crise de l'adolescence et une guerre entre les deux. Par la suite, il réincarne des mémoires d'adulte. Mais la mécanique extraterrestre, elle procède de certaines façons. Enlèvement d'humains, fécondation d'humains, prélèvement d'ovules, prélèvement de spermatozoïdes, prélèvement de cellules dans le but de cloner, de faire des copies conformes biologiques. On a eu des expériences avec des vaches, avec des chèvres un peu dans les débuts 1900, mais présentement, ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de femmes qui se font ramasser comme ça. La femme, lorsqu'elle revient, ne se rappelle pas trop. À un moment donné, elle se retrouve enceinte. Et 3-4-5 mois après, la femme n'a plus de bébé. Alors, c'est une grossesse psychologique, possiblement. C'est qu'elle s'est fait ramasser, puis on lui a ôté. Maintenant, ce qui arrive, c'est que ces êtres-là ont un besoin essentiel de ramasser de la génétique pour pouvoir l'habiter. Mais il y a aussi le mouvement raélien où on ramasse une cellule pour faire un clone sur notre planète. Donc, quand ça va vivre, ce sera ton corps physique, ce ne sera pas toi. Mais ça, on ne le dit pas, quand même. Maintenant, il y a une autre façon intéressante de manipuler l'humain, c'est de venir créer, de venir d'engendrer des rêves extraterrestres dans le monde astral pour que ces mécaniques extraterrestres, ces rêves, progressivement, dans la mécanique de réincarnation quotidienne, descendent aussi dans la conscience d'un humain. Alors, à un moment donné, il y a un être humain qui subitement a l'impression qu'il est un extraterrestre. Alors ça, c'est autre chose. Il n'est pas en contact avec le monde extraterrestre. Il a subitement l'impression qu'il est un extraterrestre. Il vient de réincarner des mémoires d'extraterrestres qui ont été placées là uniquement pour être incarnées dans une conscience humaine, de façon à ce que progressivement, le corps physique, l'ego, crée de l'expérience dans l'astral ainsi qu'à l'interne, dans l'âme, pour accepter de plus en plus, donc progressivement, mais de plus en plus exponentiellement, de plus en plus rapidement, la possibilité qu'un jour, une conscience extraterrestre naisse dans la conscience terrestre de l'homme. Si tu fais des voyages astraux conscients, tu es conscient de ça? Tantôt, tu disais que tu peux amener jusqu'à 50%, ou c'est-à-dire qu'à partir de 50% de conscience, tu as commencé à être dangereux. Est-ce que c'est un des dangers? Les dangers du voyage astral, quand tu deviens un peu trop conscient, c'est que le corps physique devient intimement relié à la conscience. C'est-à-dire que le corps astral ne s'exprime, et l'ego ne s'exprime que dans le corps physique. Lorsque ça devient extrêmement conscient, lorsque l'ego voit quelque chose qui lui fait peur, il est encore en communication avec le corps physique, donc immédiatement le corps physique commence à sécréter certaines formes d'hormones exprimant la peur. Alors, il y aura tachycardie, il peut y avoir diaphoresse, transpiration, il peut y avoir des mouvements incoordonnés du corps physique, il peut y avoir une mydriase, dilatation des pupilles, il va se passer plusieurs choses. Si le corps astral, dans ce rêve, se fait tuer, il y a des fortes possibilités qu'il retransmette, comme sous hypnose, je te dis que tu as été brûlé ici, lentement il y a une cloque qui apparaît. Il va se passer qu'il y a des fortes chances que le corps physique se massacre lui-même, c'est-à-dire que le corps astral vienne massacrer le corps physique de façon à pouvoir lire dans la matière la réalité qu'il lit dans l'astral. Donc, un individu qui, à ce moment donné-là, traverserait, par exemple, des lignes à très haute tension, ou l'énergie vitale, des lignes à haute tension, l'énergie magnétique est extrêmement puissante, encore une explosion nucléaire, des radiations. Un individu qui, dans un voyage astral extrêmement conscient, traverse une centrale nucléaire, normalement, il pénètre dedans, mais c'est bien rare qu'il traverse. Ça peut engendrer différents phénomènes. On a déjà parlé de combustion spontanée. Il y a d'autres mécaniques qui engendrent des combustions spontanées. Mais il y a il y a certaines formes de dangers comme ça. Vaut mieux donc ne pas voyager consciemment? Inconsciemment, il peut arriver la même chose, mais là, on appelle cela un cauchemar. Mais là, tu m'en vas au moins. Il va arriver la même chose. Qu'est-ce que c'est le cauchemar? Dans un cauchemar, tu peux subir les mêmes phénomènes. Qu'est-ce que c'est le cauchemar? Le cauchemar, c'est que moi, je vois une personne qui prend un 45, qui me le pointe en plein visage, puis qui tire un coup. C'est pas un cauchemar. Là, je regarde l'autre, il me tire, je vois la balle, ça en est bien lentement, puis je le sens pénétrer dans ma tête. Que je trouve ça niaiseux. C'est pas un cauchemar. Puis deux jours après, je vois le gars qui sort son 45, puis là, j'ai une peur diabolique. Puis là, je le vois le pointer, je veux crier, je suis pas capable, je veux m'en aller, pas capable. C'est normal, mon corps physique bouge dans le lit, mais le corps astral, c'est les muscles, mes sternocleido-mastoïdiens, ils tirent pas ma tête en haut. Et puis, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que la balle s'en vient lentement. La même chose, mais là, j'ai une peur atroce. C'est quoi la différence? La profondeur de ma conscience. Dans le premier rêve où je me faisais poursuivre par des maniaques, puis je volais, je m'en allais, vu que je suis 5 ou 10% conscient, je peux goûter, mais c'est pas trop pire. Si je suis 40, 50, 55% conscient, ça devient un cauchemar. Pourquoi? Parce que là, je vis tellement intensément que le médiocrisme de l'ego, c'est-à-dire l'interdit que l'ego pourrait s'autoriser, bon, le gars, il tire une balle, la balle, elle s'en vient, la balle, elle freine, la balle, elle tourne, puis la balle, elle rentre sur le gars. Tu pourrais faire ça dans l'astral. Mais tu as tellement l'impression astralement d'être dans la réalité que comme l'humain s'interdit tout dans la réalité, nécessairement dans l'astral, ça l'interdit aussi. Mais ta conscience, justement, le fait d'être conscient à 50% ou plus, te ferait pas penser à ça, faire inverser la balle? Non. Pourquoi? Parce que lorsque l'être humain se découvre dans l'astral, il est déjà en pleine évolution, en pleine vie, en plein déploiement d'événements. Et normalement, sa conscience mentale n'a pas eu le temps de suivre. Alors, tu te conscientises uniquement parce que tu es en train de transmettre en sécrétion endocrinienne dans le corps physique trop intensément ce qui se passe. Alors, lentement, le corps physique le vit. Le vivant, il y a une relation qui se fait entre le monde astral et le corps physique, et là, c'est le cauchemar. Tandis que quelqu'un qui fait un voyage astral, ça dépend encore de son degré d'évolution, évidemment. Si mentalement, il programme, il décide, il dit « Bon, maintenant, je suis sur le toit de la maison. » Ah, puis là, il a l'impression qu'il y a froid. C'est logique, avec la température qu'on a ces temps-ci, il fait froid. Mais c'est stupide, je suis dans l'astral, donc j'ai pas froid. Il n'y aura plus froid, il va sentir que c'est froid. C'est parfait. Vu que le mental est là, le mental coordonne. Fait que s'il se ramasse devant un individu qui vient pour tirer dessus, il va être capable de parler l'astral, de changer le monde de la mort et de bouger les choses. Comment tu fais pour amener l'astral, quand amener le mental, c'est-à-dire avec toi dans l'astral? Voilà, il faut simplement que tu sois suffisamment mental et il faut que tu fasses un décollage astral convenable, c'est-à-dire que tu restes conscient, que tu sois le maître, contrôleur de la mécanique du voyage astral. Donc l'individu qui, par exemple, écoute une musique subliminale puis se lancer dans l'astral, il va se ramasser n'importe où, mais sa conscience, elle risque d'être partie ailleurs. Il y a donc plusieurs méthodes, mais à un moment donné, comme je dis, où j'écrirai là-dessus, où je fais quelque chose là-dessus, il y a plusieurs méthodes pour qu'un individu fasse un voyage astral progressivement. Parce qu'un individu peut partir dans l'astral et aller dans son propre passé pour transformer le passé. Ce qui va lui permettre, et ce sont des utilités du voyage astral, ce qui va lui permettre de revenir en se disant, en ayant une nouvelle programmation astrale, où il pourra se dire, crime, je suis pas si pire que ça. Bon, c'est à un moment donné, un voyage astral bénin dans ce genre, ça pourrait être de l'auto-hypnose ou tu t'auto-hypnotises pour aller changer tes motivations. Mais dans un voyage astral, tu changes carrément la mémoire programmative, ce qui est drôlement mieux. Ce que tu peux donc, faire aussi... Donc, tu n'as plus à te motiver à ce moment-là, tu as changé ton histoire. Oui, tu as changé le pissou en arrière. Tu pensais qu'il était pissou, mais il a toujours été humble, il s'est caché. Puis quand tu es allé voir, tu as vu tout ce qu'il a fait là, de génial, il n'est pas pissou partout. Ouais, mais d'un coup, c'est pas vrai, c'est un mouvement fou, le passé n'a jamais existé. Mais par contre, là, mon ego, là, il est stupidement tout heureux, il fonce. Mon mental est bien content. Et autre chose qu'on peut faire, toi, tu fais des cauchemars régulièrement, ou encore tu paranoïes. Et je dis ça ici pour des personnes, écoutez bien, il y a au moins une personne ici qui pourrait apprendre des choses. Tu paranoïes, tu as de gros problèmes suite à une manipulation, à quelque chose qui semble une possession ou à une contrainte encarcanée. Ce n'est pas une possession tout à fait, c'est une enveloppe qui fait que quand l'ego veut se tasser par là, on l'empêche. Il veut se tasser par là, on l'empêche. Bon. Ça crée nécessairement un confinement presque autistique. Alors, toi, tu tiens la main de l'autre, mais il faut être suffisamment mentalement conscient. Si on ne peut pas tenir la main, on peut quand même avoir quelque chose pour stimuler, c'est-à-dire pour rappeler à l'ego ce qu'il doit faire. Ça peut être une photo, quelque chose dans le genre. Et là, l'individu va se coucher. C'est mieux si on peut toucher à l'autre. Et ensemble, on va s'endormir pour rêver ensemble. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des fortes possibilités que progressivement, l'individu à côté pénètre dans ton rêve. Et elle va commencer à vivre des voyages astrales, voyages astraux différents de ce qu'elle vit régulièrement et qu'elle vit même des fois réveillée. Mais dans son sommeil, elle se fait ramasser. Alors là, elle vient vivre un peu chez toi et ça va lentement changer ce qui se passe à l'intérieur et ça va nuire énormément à ce qui l'encarcanise. Mais c'est pas tout. Par contre, toi, tu peux aussi aller dans son rêve. C'est normalement un peu dangereux. Pourquoi? Parce que l'autre, la personne qui a des problèmes, tombe rarement tout d'un coup dans le problème. Elle rentre dans un cauchemar et progressivement, elle va empirer son cauchemar, c'est-à-dire, étant donné que l'ego s'adapte au cauchemar, le cauchemar n'a plus la même puissance, donc on rajoute des éléments pour conserver la puissance atroce du cauchemar. Toi, quand tu te ramasses là-dedans, tu n'es pas au niveau 1, tu es rendu au niveau 28. Alors, il y a des chances que ton ego, lui, il a des problèmes bien plus que celui qui est dedans. Donc, il faut que l'individu commence par aller voir ce qui se passe et ils ne veulent pas rentrer. Qu'elle lentement, elle habite son ego. Parce que même si le mental dit « Oui, mais mon mental, moi, il veut, oui, mais c'est votre ego qui contrôle le corps physique. Il ne peut pas vous ramasser aussi pire que l'autre. J'allais dire qu'elle, mais qu'elle empêche. » Alors, l'individu peut donc faire cela, c'est qu'il peut aller travailler dans l'astral d'un individu, mais pas aller parler à l'individu, aller déformer le rêve. Mais l'idéal, c'est que la personne qui a des problèmes, elle se teinte du voyage astral de l'autre. Ça dépend. Ça dépend, parce que si l'autre accepte facilement Avec un enfant, ça serait plus facile. L'enfant va, bon, tu te colles contre lui. Et puis, vu que tu es plus gros, tu te colles contre toi. Et puis, à un moment donné, ben lui, il te fait confiance. Fait que quand vous partez, vous partez ensemble. Alors, par exemple, tu as des enfants, quand ils viennent coucher avec toi, ben ils sont mieux que quand ils couchent à part. Et c'est ce qui arrive simplement. Par contre, si on a affaire à un adulte, l'adulte ne risque, lui, de ne pas pénétrer facilement comme ça. Alors, on peut s'arranger lentement. Pas pour, on peut poser quelques questions à l'adulte pour avoir une idée, mais on doit simplement rêver au rêve de l'autre. Et c'est important, c'est-à-dire qu'on ne rêve pas, bon, même si je ne connais pas le rêve de l'autre, ça ne change rien. On doit rêver au rêve de l'autre. C'est-à-dire qu'on se couche, et puis là, on ne visualise pas l'autre. On essaie de se transposer dans sa tête, puis de rêver son rêve. Dans le début, c'est compliqué. Et progressivement, ça vient. Mais j'en ai assez dit pareil. Il y a une personne qui attend ce genre de réponse depuis longtemps. Là, elle les a. Elle peut travailler comme ça, mais elle doit quand même faire attention pour ne pas se faire ramasser par la chose. Ça peut arriver, mais ça, c'est rare. Si tu n'as pas la chance d'avoir quelqu'un avec toi qui peut t'aider à faire ce genre de correction-là, puis que tu vis régulièrement un cauchemar semblable ou peu importe, ou une série de cauchemars, tu as souvent des nuits qui t'apportent des cauchemars. Comment fais-tu pour les régler, ces cauchemars-là? Bon, une bonne chose que tu peux faire, c'est de prendre une cassette. Et puis, te conter une histoire, t'enregistrer un rêve sur cassette, cassette audio, pas vidéo. Et puis, avant de te coucher, bien, tu ne mets pas des écouteurs, ça achale, tu fais jouer ta cassette. Et puis là, tu te couches. Puis ce qui est intéressant, c'est de s'acheter un petit chronomètre là, qu'on vend dans certains magasins, puis l'enregistreuse se met en marche dans une heure et demie. Et on te laisse t'endormir. Puis, tu t'ébrilles un petit peu, tu fais que le son monte, puis après ça, il est plus fort, parce que si ça se réveille... Allô, c'est moi! Ben là, il faut tout recommencer. Et ce qui va arriver, c'est qu'il y a des chances que la cassette te ramène et qu'elle te programme, qu'elle te dise, elle va te conter maintenant un rêve. Et même si tu ne t'en rappelles pas, après quelques temps, il y a des fortes possibilités que ce soit ce rêve-là que tu fasses. Mais le rêve de la cassette va aller te chercher dans le rêve dans lequel tu es déjà. Oui. Si tu veux ne pas y aller et non pas t'en faire sortir. Oui, mais c'est mieux de commencer comme ça. Mais est-ce que tu peux régler aussi ton problème, pas ton tu rêve? Tu pourrais, mais ça vaut pas la peine d'en parler. C'est les minorités qui vont être capables de régler le rêve dès le départ. C'est-à-dire que si tu es suffisamment conscient, tu sais déjà... Si tu peux régler le rêve tel quel au départ, tu sais déjà comment, j'ai pas besoin d'en parler. S'il faut que j'en parle, tu pourras pas l'appliquer. Est-ce que le voyage astral est utile ou applicable pour ceux qui sont en conscientisation? Bon, le voyage astral, est-ce que c'est utile ou applicable? Ou dangereux? Ben, c'est tout ça, hein? Ouais. On commence par le premier. Dans quel sens il peut être utile? Dans le sens que l'être humain peut avoir la possibilité de travailler le contrôle de sa structure astrale, de travailler son médiocrisme surtout, sans avoir à se confronter à la limitation du corps physique. Mais le danger qui est juxtaposé à ça, c'est que l'humain finisse par plus apprécier la vie dans l'astral que la vie dans la matière. Alors que c'est la vie dans la matière qui compte, c'est elle qui te nourrit, c'est elle qui t'alimente, c'est elle qui va t'étirer au niveau de la vie, puis c'est dans le corps physique que tu peux créer un double éthérique. C'est là-dedans que c'est un égoïste. Donc, dans le monde de la mort, dans le voyage astral, l'humain ne peut pas s'en égoïser. Mais l'humain peut aller chercher de l'information qui va transformer sa structure astrale pour ce que lorsqu'il va revenir, qu'il puisse, le mental puisse dire, « Bon, t'es allé voir, t'as vu, tu sais que c'est vrai. » Dans le début, l'ego dit « Ouais, mais c'est un rêve. » Mais quand il va commencer à toucher à la saveur du rêve, il va dire « Ouais, c'était un rêve, mais j'aimerais bien plus le revivre, plus le rêver. » C'est plus un rêve. Alors, ça a donc une utilité dans ce sens. Ça permet à l'ego de sauter des étapes. Autre de sauter des étapes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un accident automobile pour expérimenter que tu es un connard quand tu te saoules la gueule avant de conduire, tu fais un voyage astral, tu t'en vas dans la peau d'un connard. C'est-à-dire que tu vois un accident, le gars, il est chaud, tu rembarques dedans, tu recules, puis tu recommences. 4-5-6 fois. Bon. Et quand tu vas te réveiller, que tu n'as pas que ton ego, quand il va aimer pour boire, tabarnouche, il va avoir déjà vécu un accident. Il y a un danger, c'est que tu ne veux plus conduire. Pourquoi? Parce que ce que tu vas vivre dans un voyage astral conscient est, du point de vue psychologique, identique à ce que tu vis dans la réalité. Est-ce qu'il y a un danger que tu meurs aussi de l'accident? Non, parce qu'évidemment, tu as pris un accidenté qui ne meurt pas, hein, quand même. Bon. Voilà. Maintenant. Ça peut servir à autre chose. Ça peut servir aussi à accomplir la digestion d'une mémoire personnifiée, personnalisée, réincarnationnelle. Tu comprends ce que je veux dire? Non, explique. Ça peut servir à... Bon, disons, comme ça, exemple. toi, tu es en train de digérer un personnage. Ton corps physique, ta conscience, etc., fait qu'il y a une mémoire plus globale d'un personnage qui s'est réincarné un peu ailleurs, mais qui reste là, parce que quand ça se réincarne, c'est pas parti du monde de la mort. Et il y a une mémoire plus globale qui peut venir chez toi. Et disons que chez toi, lentement, apparaissent des mémoires réincarnationnelles d'Itak. Bon. Et progressivement, tu te sens devenir comme ce personnage. Mais ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou ça se digère morceau par morceau. Tu fais un voyage astral, tu vas voir ce qui s'est passé à l'époque, tu regardes le personnage, tu vis le personnage, tu reconnais, tu découvres, tu sais que c'est ça qui se passe présentement en le voyant, puis quand tu reviens, c'est tout rentré. Tu peux l'absorber plus rapidement, le gérer plus rapidement. C'est ça. Est-ce que tu peux aussi changer son passé, dans le même exemple que tu disais tantôt? C'est évident. Ou son histoire? Absolument. Et ça a la même valeur que si tu changeais le présent. L'humain ne comprend pas encore souvent quand je dis qu'on peut changer son passé pour se changer le présent. Tu vas dire, oui, mais c'est pas à cause que dans le passé, je m'en vais voir dans le passé. C'est une de mes grosses réincarnations, là, comme quelqu'un me disait à un moment donné. Moi, je suis un pirate, je m'en vais sur une île, j'en cache un immense trésor. Puis après ça, que là, je me réveille, puis là, est-ce que je me rappelle ce qu'est le trésor? Et on peut. Par contre, ce qui va arriver, c'est que pour savoir où le trésor du pirate est caché, il faudra que tu gères tellement le pirate qu'en revenant, tu risques d'être le pirate. Donc, violent, agressif, tueur, bon, bref, c'est plus ça du tout. Donc, tu as toujours le danger à faire le voyage astral. Par contre, l'individu peut changer le passé et se réveiller, et subitement, il va être riche. Il aura un héritage, il va trouver quelque chose, mais un individu qui change son passé change son présent. Il dit, mais il change l'avenir, mais ça, s'en fout. Il change son présent. Mais pour ça, il faut que l'individu soit très conscientisé dans ce qui le réincarne. Ce qui te réincarne totalement, tu peux cheminer dedans pour aller changer les choses. Est-ce que tu peux le faire aussi pour atteindre un certain niveau de connaissance? Disons que demain matin, je déciderais de devenir chirurgien plastique, puis que j'aille voyager dans l'astral des chirurgiens plastiques pour aller chercher leur information. Normalement, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu te branches par ton ajusteur de pensée à de la mémoire akashique ou à du savoir supramental quand tu fais l'opération. Pourquoi? Il y a tellement de mémoire là-dedans que tu ne pourras pas tout absorber comme ça du jour au lendemain. Charles 90, mais pas du tout. Donc, ça se met pas ça en application. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec le voyage astral pour accélérer l'évolution? L'humain, il en veut. Hein? Bon, c'est pas assez, jusqu'à là. Changer son passé, durer de l'incarnation, aller visiter l'Inde, sans avoir payé de billets d'avion. C'est pas assez. Est-ce qu'on peut faire d'autre? Bon, dans l'astral... comme si pour aller visiter l'Inde... Ah oui, tu vas visiter l'Inde. Mais comment tu fais pour aller visiter l'Inde si tu l'as jamais vu? Tu peux pas imaginer un temple ou je sais pas quoi, mais tu voudrais aller voir, tu l'as pas vu. Parce que tantôt, tu disais qu'on fonctionne par l'imagination. Tu prends un carré terrestre, tu le fais tourner, tu repères l'Inde, et puis quand tu as repéré l'Inde, eh bien, tu visualises l'Inde, hein, puis après ça, tu vas te coucher, puis là, ben, tu sors, tu montes suffisamment, tu laisses la sphère tourner, puis quand tu vois l'Inde, tu descends dedans. Puis à quelle époque tu vas arriver, quand je donnais des cours au voyage astral, on faisait ça de temps en temps. Et puis il y en a qui descendaient trop creux, il fallait qu'on allait les chercher dans le sol, puis il y en a d'autres qui restaient en haut, puis bon, ça dépend des places qu'on allait. C'est extrêmement intéressant pour les gens. Est-ce que tu arrives là en 1989? Non, tu arrives là à peu près n'importe quand. Ah, tu sais pas d'avance? Non, mais c'est le début, il faut commencer quelque part. C'est le XYZ du voyage astral. Alors il faut commencer quelque part. Bon, à quoi ça peut servir d'autre? Tu as quelque chose d'intéressant tout à l'heure, ça peut servir, mais on ne doit pas faire ça. Pourquoi? Parce que de toute façon, on ne pourra pas le faire, les humains ne pourront pas faire ça immédiatement. Et ceux qui feraient des tentatives, eh bien, disons qu'ils réussiraient, ils auraient un maudit karma noir sur le dos. C'est de pénétrer la sphère astrale d'un autre individu pour changer sa psychologie. Moi, dans l'astral, je m'en vais, te chercher toi, et je te fais vendre tes actions. Et un prix dérisoire. Et moi, je passe après et je te les achète. Et l'humain n'est pas encore assez puissant pour manipuler quelqu'un d'autre comme ça. Pourquoi? Parce que toi, à un moment donné, tu vas dire, « Ouais, mais hey, ce tabarnouche-là, il aimerait ça, je les vends. » Tu vas décoder la présence de l'autre. Et ça crée un karma négatif, un karma noir, dans l'astral, dans le mental, comme dans la matière. Mais ça pourrait servir. À un moment donné, ce qui va arriver, c'est qu'il y a certains personnages qu'on peut appeler, certains appeler un chevalier supramental, à un moment donné, fait des comparaisons parallèles, qui auront comme rôle d'aller dans le monde de la mort pour détruire des archétypes, donc pour aller faire la guerre à certaines vieilles formes dans le monde de la mort. Et ces individus, lorsqu'ils vont faire cela, sont des individus qui vont être en phase de fusion avec l'endométérique et qui vont devoir faire certaines destructions dans l'astral pour faciliter leur fusion. Nécessairement, ça aura des répercussions sur beaucoup d'autres personnes, mais ça ne sera pas fait pour les autres personnes. Il n'y a pas de karma assujetti à ça quand l'individu est en fusion avec son endométérique. Pourquoi? Parce que l'individu est déjà dans une phase où il est temps à digérer et il a détruit totalement la mémoire pour la transformer en énergie éthérique. Alors, il y aura donc ce genre de choses qui sera fait à un moment donné. Il y aura des voyageurs de l'astral qui iront dans l'astral pour aller détruire certaines choses. Ces voyageurs, en même temps, seront des instaurateurs de néotypes, c'est-à-dire qu'ils iront déformer certaines religions pour changer la conscience spirituelle de certains individus, mais pas la conscience évolutive des individus. Ils iront changer des égrégores nationaux pour changer la conscience politique de certains individus, mais pas la conscience évolutive des individus. Et progressivement, ils iront instaurer dans le monde de la mort un néotype. Ils iront pilonner suffisamment le monde de la mort pour que dans la matière, l'humain qui se relie à ça, l'humain qui fait des rêves, rêve progressivement à de nouvelles choses. C'est appliqué dans l'astral, dans l'astral inconscient, si on regarde certains films qui sortent régulièrement, des films d'après-apocalypse où c'est juste les punks qui dominent, les films où il y a énormément de contact avec la mécanique extraterrestre. Alors, on fait des films, les gens sécrètent là-dedans, ça nourrit le monde de la mort et ça néotype le monde de la mort. Alors, à un moment donné, ça va être logique que Jésus revienne dans ce coupe volante, amalgame des deux. Alors qu'avant, Jésus aurait dû sortir d'une fleur, d'une rose, ou descendre dans un nuage de feu, il ne faut pas que tu touches. Alors l'humain va dire, oui, mais le nuage de feu, c'est le réacteur de la soucoupe volante. Bon, ben, la soucoupe volante, c'était ses bottes. Mais on tend à transposer les explications. Alors il y a donc ce néotypage-là qui va se faire par des guerriers dans l'astral. Ce ne seront pas uniquement des voyageurs, mais des chirurgiens astro qui vont aller massacrer un peu les choses là-dedans. Autre utilité du voyage astral... À part, évidemment, rentrer dans un camp nudiste sans avoir à être déshabillé. Mais ça, pour faire des niaiseries comme ça, là... Ça dépend, c'est peut-être pas des niaiseries. Peut-être que la personne, elle a un blocage. Non, effectivement, c'est peut-être pas des niaiseries, mais est-ce qu'on peut se le faire faire? Pour ça, on sait pas. Tu savais la quantité d'individus qui prennent la douche avec toi? Ah oui. Fais-tu prendre ta douche habillée? Je ferme le rideau. Mais... Est-ce qu'on peut se faire voler des informations? On peut se faire voir? C'est fréquent, régulier. Demande à l'Union soviétique, demande à la CIA, demande au deuxième bureau, demande à l'Interpol, demande à plusieurs organismes. On peut se faire voler des idées? Ben, voler des idées, non. Ça ne nous appartient pas. Non, mais voler, dans le sens... Tu as une stratégie, disons, d'affaires, puis tu te demandes pourquoi que le lendemain matin, tu vas pour acheter le terrain que tu voulais pour faire un dépanneur. Il est vendu à un gars qui veut faire un dépanneur. Oui, parce que tu en as parlé avant, sans doute. Vu que tu en as parlé, tu as laissé des traces plus pures dans l'astral. Puis quand l'individu dit, bon, là, il me faut une idée pour m'en sortir, fait qu'il se branche, fait que là, il fait juste cheminer. Puis à un moment donné, paf, oh, wow, dépanneur à telle place, il va voir ce qui se passe, puis c'est parfait. Puis le lendemain, ben Dieu l'a guidé, il sait pas comment ça se fait, puis etc. Là. Puis c'est pas nécessairement volontaire et conscient de la. C'est habituellement involontaire et inconscient, sauf dans certains cas de police secrète nationale. C'est habituellement involontaire et inconscient. Mais effectivement, ça arrive. Comme dans la salle, ici, c'est plein d'individus qui sont là, qui se promènent. Il y en a qui visitent les plafonds, il y en a qui regardent les lumières, il y en a qui écoutent, qui ne comprennent rien. Il y en a qui n'écoutent pas, qui pourraient. Et puis, ça se promène, c'est régulier. Il y en a qui vont se réveiller, vont dire. Combien il y a d'humains qui dorment dans la place de la planète Terre? Et combien de fractions d'égo en voyage, sans compter, je ne parle pas nécessairement du monde de la mort, toutes les entités à le monde de la mort qui sont en train de se digérer. Comme il y en a. Et quand je parle qui dorment, je parle de ceux qui rêvent, qui imaginent, qui réfléchissent, qui cherchent, qui méditent, qui se concentrent. C'est tout dans le monde de la mort. Il y a un individu présentement qui rêve. Il est couché, je le vois. Il est couché dans son hamac, il a un peu de travers, il a un pied qui dépasse. Et puis, il dort. Et il rêve un paradis total. Un paradis où il y a de l'eau sans amibe dedans, de l'eau qu'il n'a pas besoin d'aller chercher. Il approche et puis il pèse sur quelque chose et puis là, il y a de l'eau qui coule dans un contenant qui n'est pas fait en bois. C'est minuscule, mince. C'est pas chaud, c'est pas froid, ça fait du bruit quand tu l'écrases. Mais c'est bien correct, puis c'est brun dedans, puis ça tourne lentement avec une petite bulle. Puis lui, là, c'est le paradis total, puis là, il goûte à ça, puis ça a une saveur particulière qu'il a déjà senti. C'est légèrement chaud, Et puis après ça, à un moment donné, oh, puis il y a une envie particulière, puis là, il suit, puis les individus, ils courent pas dans la jungle. Non, ils rentrent une place qui est toute propre, puis une chaise pour t'asseoir, s'assoit là-dessus. Et puis, il y en a qui ouvrent le couvercle avant. Et puis là, il fait ses besoins. Puis après ça, ben ça pue pas, c'est pas plein partout. Puis là, tu fais appuyer sur une petite manette, puis tout ça s'en va. C'est le paradis. Ça, c'est un pygmée qui rêve à ce qui se passe dans l'hôtel. Bon, il avait jamais vu ça, du café, d'un verre en plastique, mais il rêve à ce qui se passe dans l'hôtel. C'est le paradis. Ce qui arrive, c'est que c'est fréquent. Lui, nécessairement, il va extrapoler ça, il va donc mettre sa jungle avec, parce qu'il faut quand même pas qu'il vire fou. Alors, il va avoir trouvé une espèce d'arbre à café. Moi, c'est une distributrice à café. Ou derrière des montagnes, puis des... Bon, il faut qu'il rende ça inaccessible. Sinon, il risquerait de vouloir aller trouver ça. Il va être déçu. Alors, bon, alors ici, on fabule. Mais là, on mélange, à ce moment-là, il mélange ce qu'il a vécu en voyage astral avec des mémoires qu'il a déjà pour faire quelque chose de concevable par l'ego, c'est ça? Oui. Nous autres, on fait la même chose. Absolument. Même si on connaît c'est quoi une distributrice à café. Quand on va en voyage astral, est-ce qu'on fait la même chose? Si je vais visiter à l'inverse, je vais visiter la jungle, est-ce que je vais dans la jungle me... Trouver une distributrice à café? Oui, si à un moment donné, là, je suis en train de crever. Ça dépend. Depuis Indiana Jones, on ne trouve plus de distributrice à café dans les rêves. Mais un peu avant, oui, il y a des personnes qui rêvaient qu'ils étaient des cow-boys, puis là, ils se battaient, puis ils tombaient à terre, le chapeau, il tenait encore, il n'y avait pas de poussière, pas de saleté, rien. Puis après 3 jours de randonnée à cheval, ils ne transpiraient pas, ils ne puaient pas. Ça, c'est les vieux films de cow-boys. Depuis Sergio Leone, avant même d'être un cow-boy, tu pues déjà. Bon, dans le jungle, avant, les personnes avaient des chapeaux blancs, les filles étaient bien habillées, quasiment sous les talons hauts, avec des belles petites bottes. Puis les gars, ils restaient là-dedans, ils ne puaient pas, ils ne salissaient pas, il n'y avait pas de bite, il n'y avait rien. Depuis Indiana Jones, évidemment, si ça se retrouve sur un serpent ou sur une coquerelle, et puis tu pues. Alors, ça dépend bien gros de la vision que les humains ont de cela. Pourquoi? Parce qu'habituellement, les gens n'iront pas dans la jungle, ils vont aller dans les images qu'on a créées pour eux de la jungle. Exactement comme celui qui rêve à l'Union soviétique et qui est américain. Ah, il va-tu se préparer à tuer les Américains? Il va prier les dieux américains noirs qui mettent le feu après les bébelles, là, bon. C'est, il rêve dans l'égrégore russe américain. Ça veut dire que l'émotion guide, dirige notre voyage astral, parce qu'elle l'éteint avant de partir. Oui, sauf si tu es capable de sortir, de comprendre la planète, de voir l'Union soviétique arriver, et de descendre en Union soviétique dans un territoire particulier. C'est sûr que bien souvent, tu vas arriver en plein milieu de rien, parce que c'est tellement grave, il n'y a pas des villes partout. Et là, tu vas découvrir le peuple russe selon ses ethnies, parce qu'il y a énormément de races en Union soviétique. Ce ne sera pas du tout la même chose que tu t'attends à trouver, enfin, du moins, à ce que militairement on enseigne. Mais est-ce qu'en voyage astral, on amène toujours l'émotivité ou on peut la laisser de côté? Non, l'être humain qui fait un voyage astral et qui n'a pas présentement suffisamment de conscience éveillée, c'est-à-dire l'être humain, chaque fois que vous, dans la vie courante, vous vous faites ramasser par votre émotivité, vous vous chiolez, vous sacrez, vous broutez, vous ennuyez, vous êtes inquiet, etc., nécessairement, quand c'est un voyage astral, t'amène ton émotivité. Pourquoi? Parce que vous êtes émotif. Quand le mental a suffisamment le contrôle du corps physique pour que les expressions émotives de l'astral ne s'expriment pas par les voies endocriniennes, donc qu'on ne chiole plus, qu'on ne soit plus inquiet, etc., donc qu'on comprenne que l'ego peut-être inquiet, mais nous, ça ne nous perturbe absolument pas. Dans le voyage astral, toutes les émotions que tu vas vivre ne seront pas exprimées dans le corps physique, donc ne serviront pas à nourrir ta conscience astrale. De ce fait, on peut considérer que là, tu voyages sans émotion. Tu es donc inémotif. Puis à ce moment-là, est-ce que tu arrives dans la vraie Russie ou la vraie Angleterre? Tu arrives toujours dans une mémoire. Mais la mémoire anémotive, elle vient de qui? Est-ce que c'est possible qu'il y ait une mémoire anémotive de la Russie? Oui, mais tout ce que tu as à faire, c'est de prendre un journal. Si le journal n'existe pas, tu sais que tu n'es pas en 1989. Bon. Alors, tu prends un journal et puis tu regardes les dates. Puis tu dis, non, tiens, c'est 1927. Ben oui, on dort. Bon, 1989, bon, ça c'est mieux. Tu tiens simplement de changer d'époque. Et puis là, tu es beaucoup plus proche de la réalité. Mais tu vas encore voir la mémoire de quelqu'un qui vit la Russie. Tu peux voir, ça dépend, oui, habituellement oui. Si tu fais un voyage dans ton dôme éthérique pour aller en Union soviétique, tu vas voir absolument ce qui est réel. Comment fait-il? Mais on risque de te voir. Bon, ben c'est ça, le double éthérique, c'est 2-3 fois que tu l'abordes, mais t'en parles plus. Comment tu fais pour voyager, faire un voyage astral avec le double éthérique? Premièrement, il faut que tu saches que tu as un double éthérique. Mais non, tu ne fais pas voyage astral avec un double éthérique. Tu te sers, le double éthérique fait un voyage astral ou tu te sers du double éthérique ou il sert de toi? Le double éthérique voyage dans l'astral. Comment? Dans la réalité. Ça ne coûte pas bon, hein? Non, pas tellement. Bon. On va faire un voyage astral quelque part où l'eau est bonne. Ça oui, il faut qu'on mette l'eau. Le double éthérique, il faut évidemment que l'individu ait un double éthérique, donc il faut que l'individu soit capable d'être suffisamment émotif, sans émotion, anégoïque, sans égo, suffisamment du moins. Faut que l'individu parvienne à faire quelque chose que je dis de temps en temps à ceux qui font partie du groupe qu'on appelle le groupe des chefs. C'est la clé totale, et c'est niaiseux, c'est la clé totale de la fusion, de l'évolution, puis de l'immortalisation de la conscience. C'est de continuer à s'écœurer sans jamais se déprimer. L'individu qui fait ça, il est totalement correct. Il est réussi. S'écœurer, ça augmente la pression interne pour créer l'éclatement vers la conscience. Se déprimer, c'est de prendre l'énergie puis nourrir des mauvaises cochonneries astrales. L'individu doit s'écœurer sans se déprimer. Donc, c'est un égoïsé, c'est cela. C'est un égoïsé, c'est d'être de plus en plus en merde, je me sens encore mouillé. Mais il ne se déprime pas. Ah, on le sait bien, moi, de toute façon, c'est... Bon, il ne se déprime pas. L'individu qui se perd toujours, bon, ça y est, je suis encore perdu. Là, il fait une colère mentale, il crie un peu. C'est con, c'est idiot, c'est niaiseux. Il prend son automobile, il sort sa carte, je n'ai pas de carte. Ben, c'est ça, mon problème. Il ne se déprime pas. Là, il s'en va chercher une carte. Attends-toi pas, il n'aura pas où il va aller. N'empêche. Là, voilà, et le jeu d'astral. Mais c'est donc merveilleux. Puis là, il doit se mettre en colère, pas colère émotive, être au bord de l'écœurement total, d'être écœuré, et il ne se déprime pas. Le lendemain, ça recommence. Tant mieux, je gonfle ma bebelle. Se déprime pas. Lorsque l'individu dit, ouais, mais là, ça fait 5 ans, là, tu sais, là, je suis écœuré. Non, mais non. Il n'est pas écœuré. Il aimerait se déprimer un peu. La pression est tellement forte que l'ego de la misère à le supporter, il aurait besoin de se déprimer. C'est la solution. L'individu se crée un double éthérique. Lorsqu'il a un double éthérique, il aura la possibilité de se promener un peu partout ailleurs pour aller chercher de l'information totalement matérielle, comme par exemple vérifier enfin, des choses qui sont en train de se faire dans la matière, pour pouvoir bénéficier dans la matière de certaines choses, mais il aura aussi la possibilité de communiquer de l'information à d'autres individus. Veuillez noter que le prochain séminaire de Daniel Kemp aura lieu le 28 et 29 octobre prochain. Les places sont limitées. Il est préférable de réserver le vôtre le plus possible. Dernière chance ce soir de vous inscrire aux activités PMC qui auront lieu à Saint-Ligory sur une base de plein air du 29 septembre au 1er octobre, soit la semaine prochaine, la fin de semaine prochaine. À tantôt.